cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. On a fini dans le dars précédent, walillahilhamd, le résumé des 6 assises que l'imam Ibn Rajab rahimahullah il a cité via hada al-kitab al-nafi' la ta'if al-ma'arif. Et on conclut cette série de durus avec la lecture du premier majlis du mois de Shawwal. C'est lié avec le mois de Ramadan. Aïe, spécifiquement les 6 jours. On ne lira pas tout ce qui est lié au mois de Shawwal, mais on lira que le premier point sur le fait de jeûner 6 jours après Ramadan. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله المجلس الأول في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال. خرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan, ثم, après l'Eid bien sûr, il y en a le premier jour de Shawwal, c'est l'Eid. Et l'Eid, c'est interdit de jeûner. كان كصيام الدهر, donc celui qui après l'Eid, à partir du 2 de Shawwal, il fait 6 jours, فهذا, c'est comme s'il avait jeûné الدهر. Comme s'il avait jeûné tout le temps. قال رحمه الله وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة. Aïe, jeûner après le mois de Ramadan, dans ce mois de Shawwal, il y a beaucoup de fawaid. Il y a beaucoup de bienfaits pour le mu'min. قال منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما سبق. Et on peut résumer هنا. تقدم معنا أن الحسنة بعشر أمثالها, chaque حسنة est multipliée par 10. Celui qui a fait Ramadan, il a jeûné un mois, si tu le multiplies par 10, ça fait 10 mois. Et celui qui rajoute après Ramadan ces 6 jours, si tu les multiplies par 10, ça fait 60 jours. Ça fait 2 mois. Donc les 10 mois, Ramadan qui est multiplié par 10, ça fait 10 mois, plus ces 60 jours, ça fait 2 mois, ça te fait 12 mois. Et celui qui fait cela tout le temps, toute l'année, chaque année plutôt, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Fadlun adhim. Un mois, il est multiplié par 10. 6 jours, ça équivaut à 60 jours à 2 mois. Et c'est très simple. Et ce n'est pas obligatoire. Lakin, comme taqaddam kathiran ma'ana dans ces durus, on ne doit pas se priver du bien. Très très simple. Khassatan que tu as un mois pour les faire. Ce n'est pas une condition de les faire directement après l'Aïd. Là, ce n'est pas une condition. Là, chaque que c'est mieux. Et là, Al-Hafid ibn Rajab va citer cette mes'ala. Rahimahullah, là je sais que c'est mieux de les faire directement après l'Eid. Il y en a l'insan, il ne sait pas, peut-être qu'il peut tomber malade, peut-être qu'il peut être occupé par autre chose et le mois de Shawwal il finit et il n'a pas pu les faire. Et ta'alamoun anna hadha al-fadl, c'est que pour ce mois. Donc après l'Eid, le deuxième jour de Shawwal, tu as jusqu'au 29e jour, ou 30 jours. Ça dépend si c'est un mois de 29 ou 30. Thumma, après le mois de Dhul-Qi'da, c'est fini. Ce n'est pas des jours qui se rattrapent. فَلِهَذَا الْأَفْضَلْ, c'est de les faire directement après l'Aïd. Et celui qui les fait à la fin du mois, il a la récompense. كَذَلِكَ, ce n'est pas une condition de les faire à la suite, 6 jours. Et faire après l'Aïd et commencer le premier, le deuxième, jusqu'au sixième. Là, tu peux faire 2 jours la première semaine, 2 jours la deuxième. عَلَى كُلِ حَالِ, c'est mieux de les faire rapidement. Et في الحقيقة, c'est plus simple. L'insan, il est encore habitué à faire le siyam. Il n'a eu qu'une coupure d'un jour le Eid et il reprend très vite l'habitude. Alhamdulillah. Ala kulli hal, al mu'min il est fi khayr. Qala wa minha anna siyam shawwal wa sha'ban ka salati sunan ar-rawatib qabla as-salati al-mafruda wa ba'daha. As-salawat, en général, il y a des rawatib, des prières recommandées avant dhuhr, après dhuhr, avant l'isha, après l'isha. Ça s'appelle al-rawatib. Wa hakada Ramadan il a des rawatib. Avant Ramadan, c'est conseillé de jeûner le mois de Sha'ban. Et après Ramadan, c'est conseillé de jeûner après Ramadan le mois de Shawwal, 6 jours. Qala rahimahullah, fa yakmulu bidhalik ma hasala fil fara'id min khalalin wa naqs فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. Et vu qu'on a tous des faiblesses, tous des manquements, هذه الرواتب, que ce soit pour la salat ou pour le siyam, أي des adorations recommandées avant et après, فالحقيقة, c'est pour combler les manquements qu'on a eu dans l'obligation. Enfin, ça, c'est parmi les bienfaits des adorations recommandées. فلهذا, dans plusieurs hadiths, النبي صلى الله عليه وسلم, il a démontré هذا. Et parmi ces hadiths, أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لعبد إلى يدمنت في صلاته المكتوبة الواجبة فالله سبحانه وتعالى يقول فهل له من نافلة أو من نوافل est-ce qu'il a fait des salats recommandées أي pour combler le manque. Donc النوافل c'est très très important pour le mu'min. Et on répète, on fait attention aux ruses de Shaitan qui essaye de nous faire croire de nous axer que sur l'obligatoire. فلهذا العلماء يقولون ان celui qui est sérieux في النوافل ففي الحقيقة هذه النوافل ces adorations recommandées ça lui préserve l'obligatoire. C'est pour ça que celui qui fait des salat nawafil durant toute l'année est-ce qu'il délaisse la salat obligatoire là? لماذا لانه il fait plus ففي الحقيقة il préserve la base. هكذا celui qui fait les 6 jours de Shawwal ou qui fait As-Siyam avant Sha'ban, en général il fait As-Siyam Ramadan. Mais celui qui fait que l'obligatoire, son iman, sa foi, elle peut descendre et il a des manquements dans l'obligatoire. Mais celui qui fait des nawafil, s'il a des manquements, en général ça sera dans le nawafil. Ça arrive. مثلاً واحد il a pas fait salat al-ratiba, il a pas fait une nafila, il a pas jeûné lundi et jeudi, il a pas jeûné 13, 14, 15, ça arrive. Fi hada li anna la foi elle monte, elle descend, lakin la base obligatoire elle est préservée. Donc les nawafil en arabe, le pluriel de nafila et les adorations recommandées, c'est très très important pour le mu'min. Qala wa akthar an-nas fi siyamihi lil fard naqs wa khalal yahtaj ila ma يجبره ويكمله من الأعمال. نعم، la plupart des gens ils ont des manquements dans leur siyam. On est tous concernés par هذا. لماذا؟ لأننا on a des êtres humains avec nos faiblesses. Ce manquement qu'on a durant ce mois de Ramadan, dans le jeûne obligatoire, on rattrape avec des jeûnes recommandés. وهكذا الصلاة. قال ومنها. Et parmi les bienfaits de jeûner ces 6 jours de Shawwal. أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان. Celui qui est motivé après Ramadan, il a encore de la force et il aime faire le siyam, il aime faire ces 6 jours de Shawwal. En général, c'est un signe que son Ramadan il a été accepté. لماذا لأن الخير s'emmène du خير, le bien s'emmène du bien. Celui qui, après une ibada, il continue à faire une ibada, ou hakada, il se déplace d'adoration en adoration, c'est un signe qu'il est sincère et que son acte, son adoration, elle est acceptée. قال فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. لماذا؟ لأن الله عز وجل facilite à son serviteur. Si il a accepté une de ses œuvres, il le facilite à faire une autre. لهذا celui qui trouve de la motivation à faire des a'mal, des œuvres après d'autres œuvres, فهذا إن شاء الله il est à la خير. كما قال بعضهم ثواب الحسنة الحسنة بعدها. La récompense de ton œuvre, c'est quoi la récompense de ton œuvre? C'est une œuvre après cette œuvre. مثلا la récompense de Ramadan, une des récompenses, c'est de pouvoir jeûner les 6 jours de Shawwal. Enfin, celui qui trouve que les 6 jours de Shawwal, c'est très simple, c'est très facile pour lui, et il a cette envie, cette motivation, فإنشاءالله il est à la khair, et cette ni'ma, ça demande le shukr. Il fait ces 6 jours, et يشكر الله سبحانه وتعالى. قال ومنها أن الصيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب كما سبق ذكره. Comme on l'a vu dans le dars précédent, أن رمضان c'est une cause pour qu'Allah nous pardonne. وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز أي قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc la récompense c'est après avoir jeûné le mois, donc le jour du Eid, يوم الفطر. فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة. أي لفت دو جوني أبخي العيد في الحقيقة سيئت ركونيسان دي بيانفي كالله نوزا دوني pendant le mois de رمضان et le pardon qu'il a donné aux croyants sincères qui ont jeûné le jour du عيد. قال فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. انظروا وتأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الله لما فعضني tous ses péchés passés et futurs. مع هذا يفز beaucoup de عبادات et il restait longtemps debout في الصلاة إلى آخره. Quand ils lui ont demandé pourquoi, alors qu'Allah lui a tout pardonné, قال أفلا أكون عبدا شكورا. لماذا لأن cette نعمة qu'Allah سبحانه وتعالى lui a donné, Allah lui a tout pardonné ses péchés, فالنبي صلى الله عليه وسلم ça l'a poussé à être reconnaissant et à faire beaucoup d'ibadat. Ça nous montre quoi? أن celui qui après Ramadan il continue à être sérieux, مثلا il continue le qiyam, il continue la lecture du Coran, il continue à siyam. Voilà aussi c'est moindre, bien sûr. Il ne va pas faire siyam comme Ramadan, là. Mais au moins les 6 jours de Shawwal, au moins Ayyam al-Bayd, le 13, 14, 15, ou 3 jours dans le mois, ce n'est pas forcément 13, 14, 15, c'est mieux. Mais celui qui n'a pas pu, qu'il fasse 3 jours dans le mois, n'importe quel jour, ou lundi, ou jeudi, ou autre, ça montre que le mu'min il a du khayr. Et il n'oublie pas le khayr et il est reconnaissant. قال كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما. Tout ça c'est des exemples pour montrer أن هؤلاء الأخيار vu qu'ils étaient reconnaissants جدًا, si Allah subhanahu wa ta'ala leur facilité de faire la nuit en salat en dehors de Ramadan هذا. مثلا il a trouvé de la motivation pour faire salat, il s'est pas endormi, il a arrêté, c'est Allah qui lui a facilité. فكانوا أي هؤلاء السلف la journée في الصيام. Pourquoi? Pour être reconnaissant de la nuit qu'il a pu passer في الصلاة. فهكذا on doit pas oublier هذا أن une عبادة se doit pousser à du شكر هكذا jusqu'à ce qu'on meure. لأن في الحقيقة ça s'arrêtera jamais. لأن chaque فضل que tu as c'est من فضل الله عز وجل. Donc ça pousse à un شكر, tu dois être reconnaissant. ثم un autre ça pousse حتى تموت. قال ومنها أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع من قضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. Ça c'est, في الحقيقة ça nous pousse ces six jours de Shawwal à ne pas tomber dans la routine ou dans l'idée que le بعض ils ont quand Ramadan est fini, خلاص. بعضهم quand Ramadan est fini ils arrêtent الصلاة عيدا بالله. بعضهم quand Ramadan est fini ils viennent plus au masjid. بعضهم quand Ramadan est fini la soirée ils refont certains zunoub qu'ils faisaient pas durant tout le mois. ففي الحقيقة après العيد pour continuer à avoir cette habitude s'efforcer d'adorer Allah عز وجل tu fais ces six jours. Et هذا ça montre أن المؤمن c'est pas un عبد في رمضان فقط. بعضهم سيد عباد رمضان كأنهم يزادوغ لو موض رمضان لأن كنت رمضان يفون دي زادوغاسيون كنت سيبلو رمضان يزاغد عيادا بالله. alors que Allah سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. c'est pas que pour رمضان. à رمضان on fait plus d'adoration لا شك et on fait des choses, on se consacre à des choses qu'on fait pas durant toute l'année. C'est un mois à part, min hayth al-ijtihad, lakin ça ne veut pas dire quand le mois est fini, il n'y a plus de ibada, iyadan billah. قال وذلك لأن كثيرا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه. Et ça c'est un mauvais signe. بعضهم pour eux رمضان c'est très très lourd. فلهذا quand رمضان est fini, ils sont heureux. لماذا؟ لأنهم c'était comme s'ils étaient forcés. قال ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعا فالعائد إلى الصيام بعد الفطر يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام وأنه لم يمله ولم يستثقل ولا تكره به. هؤلاء en général ceux qui sont certains qui sont éprouvés par des péchés comme la cigarette, comme ayyadan billah zina ila akhirah, ces shahawat qui leur font beaucoup de mal, quand Ramadan il finit et ils s'efforcent pendant tout le mois à délaisser certains péchés, quand Ramadan il finit, qu'annahum ils sont libérés. Enfin, après l'Eid, ils ne pensent plus au siyam. L'imam Aliana, c'était très très lourd. Ils l'ont fait de justesse et de force. Enfin, le mois de Shawwal, tu ne peux pas leur parler de siyam. Même si tu les conseilles, ils vont te dire, mais ce n'est pas obligatoire. L'imam Aliana, il ne peut plus. Amma, celui qui, après l'Eid, très facilement, il arrive à faire ses 6 jours, c'est une alama tayyiba. Son amal, il a été accepté. Et il a du khayr. Qala, رحمه الله وقد تقدم عن أم سلمة أنها كانت تأمر أهلها من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيها الغد من يوم الفطر فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوال. هنا يستبقى plusieurs مسائل on a cité brièvement أن ces six jours في الحقيقة في الحديث tu as une précision. أن من صام رمضان ثم أتبعه بالست من شوال. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, ensuite il fait les six jours. Celui qui a jeûné tout le mois, c'est clair. Celui qui n'a pas manqué un jour, c'est clair. Après Ramadan, le premier jour de Shawwal c'est l'Eid. Après l'Eid, il peut faire les six jours. S'il les fait directement comme Ataqaddam, c'est mieux. S'il les fait séparément, il n'y a aucun mal. L'essentiel, il fait six jours dans le mois de Shawwal. فهذه ولله الحمد لله ريكومبونس. العلماء اختلفوا concernant celui qui n'a pas fini رمضان. مثلا la femme qui a eu الدورة الشهرية, qui a eu son cycle, elle a peut-être loupé 4, 5, 6 jours dans le mois. Ou celui qui a voyagé qui n'a pas jeûné, peut-être qu'il a loupé 1, 2, 3 jours. Ou celui qui est tombé malade, peut-être qu'il est tombé malade une semaine, 10 jours. المهم هؤلاء لا شك أن إدواب أولا غتخب رمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان. Donc ceux qui sont concernés par les six jours de Shawwal, c'est ceux qui ont fait رمضان. من صام رمضان ثم qu'est-ce qu'il fait? Il fait six jours de Shawwal. Donc هؤلاء après l'Eid ils rattrapent déjà leurs jours. Dans leur cas, vu que le mois de Shawwal c'est que 30 jours ou 29 jours, grâce à celui qui a beaucoup à rattraper, après l'Eid, il doit se précipiter à rattraper s'il veut pouvoir faire les 6 jours de Shawwal. Naam. Fahada, il fait déjà Ramadan, thumma, il fait les 6 jours de Shawwal. On a une question que le Bardi pose beaucoup, est-ce qu'on peut mettre les deux niyas là? Il y en a Shawwal, c'est pas obligatoire, et Ramadan, c'est obligatoire. On peut pas rattraper les 6 jours de Ramadan, mais talent, si Wahed, il a 6 jours à rattraper. Est-ce qu'il peut faire les 6 jours et en même temps mettre la niyat Shawwal? Là, il y en a ces deux adorations différentes, une obligatoire et une recommandée. Dans ce cas-là, la niyat ne se rassemble pas. Enfin, awwalan, rattraper Ramadan, thumma faire les 6 jours de Shawwal. قال فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوال فإنه أسرع لبراءة ذمته. Et كذلك أن هذا الصيام لواجب. Et هنا une مسألة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها الغطخب son صيام في شعبان et juste avant l'autre رمضان. Donc c'est pas obligatoire de rattraper ses jours directement après le siyam. لكن هنا المسألة c'est pour profiter de la récompense des six jours. هذا أولا. Et on citera une autre مسألة لأن il y a un إشكال في الحقيقة. قال وهو أولى من التطوع بالصيام ست من شوال. أي les six jours de شوال ça passe pas avant رمضان. فالسلوي qui a des jours à rattraper في الحقيقة c'est la priorité et الأجر il est أعظم dans الواجب. Donc on commence par rattraper les jours obligatoires. قال فإن العلماء اختلفوا في من عليه صيام مفروض هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا. العلماء اختلفوا, est-ce que tu peux faire un siyam nafila si tu as des jours à rattraper? Ça va nous ouvrir les portes pour des masaïl importantes. Mathalan, est-ce que je peux faire les six jours de Shawwal thumma rattraper Ramadan plus tard? Les anna, tu as deux points. Sept min Shawwal fil haqiqa le waqt il est dhayyiq. Tu as du deuxième jour de Shawwal, le premier on le compte par Eid, jusqu'au 29 ou 30. C'est un waqt il est dhayiq, un mois. Un peu moins d'un mois. Ramadan, le waqt il est wasi'. Et la preuve, c'est hadith Aisha radiallahu anha, elle rattrapait plutôt fi sha'ban. Donc toute l'année, elle rattrapait pas, elle rattrapait fi sha'ban. Radiallahu anha. Donc ça montre que le waqt il est wasi'. Est-ce que vu que le waqt il est wasi' et tu as le temps pour attraper Ramadan, est-ce que tu peux faire certaines nawafil avant? On peut prendre l'exemple les 6 jours de Shawwal, on peut prendre l'exemple de Arafat, on peut prendre l'exemple de Ashura. Est-ce que celui qui a beaucoup de jours à rattraper, il les a pas fait et c'est le jour de Arafat, est-ce qu'il peut faire Arafat? Na'am, fi hadha al-hal, il peut faire Arafat. Il fait le jour de Arafat et il rattrapera plus tard. Limada? Li'anna Aisha radiyallahu anha. Est-ce que quand elle rattrapait fi Sha'ban, elle ne faisait pas le jour de Arafat? Elle ne faisait pas Ashura? Elle ne faisait pas les 6 jours de Shawwal? Voilà. Li'anna Aisha radiyallahu anha la shak annaha elle voulait ce khayr et c'était une saliha abida radiyallahu anha, c'est ba'id que pendant toute l'année elle faisait aucun siyam nafila. Falladhi yadhhar annahu, il n'y a pas de mal, lakin on revient aux 6 jours de Shawwal. Li anna fi Shawwal, il y a une précision. Amma Arafa wa Ashura مثلا, c'est Falhakira, c'est 15 jours, Arafa un jour, Ashura un jour, ou plus pour Ashura, celui qui fait un jour avant, Al-Muhim c'est 2 jours ou 1 jour. Et Falhakira, on n'a pas de taqyid dans le hadith de Arafa ou de Ashura. Hey, tu dois faire telle chose pour le faire là. Donc celui qui a des jours à rattraper, ça arrive pour les femmes enceintes, Matalan, certaines femmes enceintes, elles loupent tout le mois. Summa, elles peuvent faire siyam juste avant Arafat. Est-ce que via dal hal on va leur dire là vous faites pas Arafat limada li anna vous avez un siyam wajib là? Via dal hal elles font Arafat, c'est 15 jours. Thumma petit à petit elles rattrapent leur jour. Hada c'est clair. Baqiya les 6 jours de Shawwal, قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان. فبعض العلماء هذا ils l'ont pris comme condition, on a pour faire les 6 jours de Shawwal, il faut avoir fait Ramadan. C'est pour ça que pour les 6 jours de Shawwal, en fait, c'est autre chose. فلهذا بعض العلماء قالوا ان pour pouvoir faire les 6 jours de Shawwal et avoir la récompense, il faut avoir fait Ramadan. Amma celui maintenant qui fait les 6 jours de Shawwal et il rattrape pas les jours qu'il a pendant ce mois de Shawwal. Maintenant, le mois de Shawwal, il est fini et il a fait les 6 jours et il lui a manqué des jours de Ramadan. Maintenant, il veut les rattraper fi Dhul Hijjah ou fi Muharram ou fi Rajab. Al-Muhim, il va les rattraper plus tard. Est-ce qu'il a jeûné Ramadan? Là, il lui manque des jours. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان, celui qui fait le mois de Ramadan, qui jeûne le mois de Ramadan, ثم, et le harf ثم il est important, c'est le tertib, ensuite il fait 6 jours de Shawwal. فبعض العلماء قالوا forcément il doit rattraper Ramadan avant de faire les 6 jours de Shawwal. نقرأ ماذا قال الحافظ ابن رجب, et on rajoutera si on peut une faïda. قال وهو أولى من التطوع بالصيام ست من شوال فإن العلماء اختلفوا في من عليه الصيام مفروض هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام ست أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان تأملوا إلى فلا ديفيرون. Même ceux qui disent que tu peux faire bien sûr des jeûnes recommandés même si tu n'as pas rattrapé tes jours de Ramadan, لكن pour les 6 de Shawwal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une précision. Et il a cité comme condition, man sam Ramadan. Celui qui a fait le mois de Ramadan. Donc, fi hadha al-hal, il faut rattraper ses jours avant. Qala, thumma atba'ahu sitt min Shawwal, faman kana alayhi qada'un min Ramadan, thumma bada'a bi siyam sitt min Shawwal tatawwu'an, lam yahsul lahu thawab man sam Ramadan. Al-Hafidh ibn Rajab, il est clair. Et c'est l'avis de Shaykh ibn Baz, Shaykh ibn Uthaymeen, عليهم رحمة الله كثير من الأئمة. On avait cité leur أقوال فيما أذكر dans les دروس qu'on avait fait sur le mois de Ramadan. قال ثم أتبعه ست من شوال حيث لم يكمل عدة رمضان كما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر بصيام ست أيام من شوال أجر الصيام السنة بغير إشكال. عند الحافظ ابن رجب سكلير رحمه الله قال ومن بدا بالقضاء في شوال ثم اراد ان يتبع ذلك بصيام ست من شوال بعد تكمله قضاء رمضان كان حسنا مثلا نقدر واحد الى une semaine à rattraper de Ramadan après le عيد il commence sa semaine, il l'a fait. Donc on sera à peu près le 7, le 8 de Shawwal, en comptant l'Aïd. Après le 8 de Shawwal, madalan, il se repose un jour, deux jours, il fait les 6 jours de Shawwal. Fahada, la shakalnahu, c'est kamaqal, hada, c'est quelque chose de hassan, de tayyib. Il a complété son mois de Ramadan et il a fait les 6 jours de Shawwal. Qala, لأنه يصير حينئذ قد صام رمضان وأتبعه بالست من شوال ولا يحصل له فضل صيام ست من شوال بصوم قضاء رمضان لأن صيام ست من شوال إنما يكون بعد إكمال عدة رمضان. هذا سيكلير. Dernière مسألة pour conclure ce sujet. Ça arrive beaucoup pour les femmes enceintes ou ceux qui ont été éprouvées par une maladie pendant de longues jours, مثلا pendant un mois, pendant plus de 25 jours. Fahaoula, s'ils rattrapent le mois qu'ils ont manqué, ils ne pourront plus faire les 6 de Shawwal. Mathalan, on prend un exemple, Wahed qui n'a pas pu faire Ramadan complètement. Il est tombé malade au début du mois de Ramadan et à la fin de Ramadan, il a été guéri. Ou le cas qui arrive plus, la femme enceinte. Ou la femme qui allaite. Mathalan, elle a fini l'allaitement à la fin du mois. Elle ne pouvait pas jeûner à cause de l'allaitement. Thumma, elle a fini, elle reprend des forces et le mois de Shawwal, elle peut. Fahad al-Hal, s'il rattrape tout le mois, il n'y aura plus de place pour les 6 jours de Shawwal. Fahad al-Hal, بعض العلماء يقولون أن s'il y a une mashaqqa, maintenant plus de 20 jours, et s'il les rattrape, il n'a plus le temps pour les 6 jours de Shawwal. فبعض العلماء يقولون أنه il commence par les 6 jours de Shawwal, ثم il rattrape les jours de Ramadan et inshallah. Et il aura l'ajr. المسألة فيها خلاف. أما الحديث في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم il a cité comme condition finir Ramadan ثم les 6 jours لكن فضل الله il est واسع. Et تعلمون أن الأعمال بالنيات. Et celui qui vraiment il voulait faire ces 6 jours et il ne peut pas, les mains d'aller en assis rattrape tout le mois, il n'aura plus le temps de les faire. Inch'Allah, yurja lahul khayr. On ne peut pas dire annahu s'il fait les 6 jours, il n'aura pas la récompense fi hadhal hal. Limadha li annahu il est fi hal dhayq. Il est fi hal dhayq, il n'a plus le temps. Et taqaddam ma'ana anna on peut faire des nawafil avant de rattraper le Ramadan. Fa'asa an yahsul ala khayr fi hadhal hal, wallahu a'lam. Et ça, c'est qawl ba'd al-a'imma qui disent que dans ce cas, c'est permis. Et les ulama يقولون ان c'est pas une condition. ان celui qui fait les 6 jours de Shawwal et après il rattrape Ramadan, فعندهم ça revient au même. Et il a fait Ramadan, ثم il a fait les 6 jours de Shawwal, عندهم il y a pas de mal. فالله اعلم. فالذي يظهر ان on doit اولا rattraper les jours, ثم faire les 6 jours de Shawwal comme c'est cité dans le hadith, et celui qui ne peut vraiment pas, qui a beaucoup de jours à rattraper et il n'aura plus le temps de faire les 6 jours de Shawwal, ففي هذا الحال والله اعلم il fait les 6 jours de Shawwal et après il rattrape et لعله يؤجر. On finit هذا الدرس بقول الامام ابن رجب رحمه الله يا شبان التوبه لا ترجعوا الى ارتضاع تذيل هوى من بعد الفطام. Après avoir fait les 6 jours de Shawwal, فالمؤمن ولله الحمد il a fini le mois de Ramadan, il a fini les 6 jours de Shawwal, il a fait l'Eid et toutes ces ibadats, ces causes de ghufran et ajr azim. Après cela, après ces ibadats, Al-Hafid rahimahullah il conseille أن الإنسان يحذر de revenir à ses péchés. في الحقيقة il compare cette période, le mois de Ramadan, avec les 6 jours de Shawwal, il les compare au fitam. Le fitam, c'est le sevrage. Ta'lamoun anna al-walad, quand tu dois le sevrer, lui enlever l'allaitement, il n'allaite plus, arrive à 2 ans, l'enfant il doit être sevré. Anna, au départ, c'est douloureux pour l'enfant. Les mains, il avait l'habitude. Enfin, c'est très dur pour lui. Et anta, tu dois tout faire pour lui faire oublier. Tu dois tout faire pour le faire oublier. Tu le sors, tu lui achètes des choses, il a akhir, hatta yensa, et ils font une période, quelques jours. Thumma, l'enfant, il oublie. Fahakada, cette période. Falhaqiqa, le mois de Ramadan jusqu'aux 6 jours de Shawwal, c'est comme un sevrage pour le mu'min. Un sevrage de quoi, des ma'asi? Fais attention de ne pas revenir ba'd. Falihada, al-walad, Et dans Fatima, s'il est sevré, ثم la mère, elle ne patiente pas, ou le père est au départ, quand il pleure, il a arrêté, il lui redonne le sein, enfin c'est très compliqué, bad. Il y en a l'enfant, خلاص, il s'habitue. Amma as-sabr, cette période, l'enfant, il oubliera, هكذا المعاصي, enfin celui qui a patienté tout le mois, ثم les 6 jours de Shawwal. Mathalan, si on prend l'exemple de la cigarette, بعضهم, ils ne patientent pas, ils fument les nuits de Ramadan. Lakin al-ba'd, ils arrivent à patienter la première semaine, la deuxième semaine, le mois de Ramadan complet. Fil haqiqa, c'est comme le fitam. Il a été sevré. Hada, il n'a plus qu'à patienter. Patienter quelques jours et il oubliera. Comme l'enfant, il oublie le sein de sa mère. Fali hada, on répète sa parole. Qal ya shubban al-tawba. La tarbi'u ila artida tadhi al-hawa min ba'd al-fitam. Il a comparé le sein au patient et il a comparé la période au sevrage. قال فالرضاع أو فالرضاع إنما يصلح للأطفال لا للرجال. الرجال الأقوياء في الحقيقة ils n'ont pas besoin d'allaitement. L'allaitement c'est pour qui? L'allaitement c'est pour l'enfant. C'est l'enfant qui a besoin du sein de sa mère. أما الرجال ils n'ont pas besoin de هذا. فهكذا الهوى. الهوى c'est pour الضعفاء. C'est pour les faibles. في الإيمان إلى آخره أما الأقوياء فلا يرضون بهذا هذا مثال جميل ونسأل الله التوفيق on a tous des faiblesses لكن ce genre de conseil ce genre de, d'exemple que العلماء cite c'est نافع pour chaque مؤمن قال ولكن لابد من الصبر على مرارة الفطام صحيح الأولاد يعرفون هذا أن الفطام c'est mort pour eux c'est très dur pour l'enfant. Lakin, l'enfant, yasbir, il n'a pas le choix. Khasatan, si ses parents, ils sont sabit, et ils prennent la décision, khalas, il doit arrêter. Lena, cet enfant, il devra arrêter d'allaiter un jour ou l'autre. Labud. Enfin, labud min sabr. Les parents, ils doivent patienter, et l'enfant, ils doivent patienter. Bel, hatta, quand c'est pas le sein, hatta pour le biberon. Et le biberon, certains enfants, ils se sont habitués. Et ils atteignent un certain âge, 4, 5 ans, 6 ans, ils n'arrivent pas à l'enlever, c'est très difficile. Enfin, les parents, via Dalhal, ils doivent patienter, ils doivent lui enlever. L'enfant, il va pleurer au début, ça va être très très dur. Somma, walillahi alhamd, tu ne trouveras pas un être humain où il n'a pas réussi à arrêter l'allaitement ou le biberon. Là, quand tu grandis, là, chacun tu arrêteras. Lakin, el mushkila, c'est quand? Badroum, ça dure. 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est kathir. Qala, fa'in sabartum. تعوضتم عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب. Exactement comme l'enfant. Si l'enfant est patient et il délaisse le lait de sa mère ou le biberon, il patiente et il va pouvoir manger des choses meilleures. Il y en a la période d'allaitement, tu ne peux pas lui donner certaines choses. Il a arrêté. Il bascule, il va délaisser le lait, il va passer à autre chose et il va goûter des nouvelles choses. Alhamdulillah. Hakada celui qui délaisse le ma'asi. Il goûtera la saveur de l'Iman. Qala. من ترك لله شيئا لم يجد فقده عوضه الله خيرا منه. هذا سبازي سورة حديث du prophète صلى الله عليه وسلم. أن celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah سبحانه وتعالى, il lui remplace par quelque chose de meilleur. وقال الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. Si Allah سبحانه وتعالى وهو يعلم كل شيء يسك فلان il a du khayr, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera du khayr. Falihada, an-niyya, c'est important. Al-ma'asi, c'est que du mal. On doit s'efforcer à délaisser. Et, comme taqaddam, l'exemple qu'il a cité, il est jamil. C'est comme le sevrage pour l'enfant. Au départ, ça va être dur. Madalan, ceux qui se sont habitués à la cigarette. Au départ, ça va être dur un jour, deux jours, trois jours, une semaine. Thumma, alhamdulillah, ça sera qu'un mauvais souvenir. Qala, rahimahullah, أو نكتفي بهذا القدر نعم ذهب الوقت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما قرأنا فهذه الدروس في حقيقة نعمة من نعم الله عز وجل فالحمد لله on a fini les دروس de التوحيد on a fini le résumé de cette رسالة فالحمد لله. On doit être reconnaissant. Comme les gens, ils sont privés par ces ni'am, ya jama'a. Les gens ne trouvent pas un dars. Les gens ne trouvent pas un qui leur explique, qui leur montre. Mais nous, on s'entraide dans ces dars et on fait profiter les autres. Et tout ça, c'est bifadlillahi azza wa jal. Et inshallah, on reprend après le mois de Ramadan. On essaiera de reprendre directement après l'Eid. Et Inch'Allah, on verra les dolos qu'on fera. Imma aqida, imma du fiqh, ça dépend. Peut-être l'aqida, on commencera par une risala mukhtasara. Imma la risala qu'on avait achetée, muqaddimat bin Abi Zayd, imma l'iqtisad fil i'tiqad, il est plus simple, plus court, et il est tayyib jiddan. Fa'ala kulli hal, on verra ensemble, hatta on achète les livres. فالحمد لله من عنده شيء يتفضل أو نكتفي بهذا القدر. Et كذلك on avait déjà nabba عن هذا, on fait attention à التجول في المساجد في رمضان. C'est pas من السنة, c'est pas من مذهب السلف. Chaque nuit changer de masjid, et بعضهم كانهم يقوت الإمام ثم يفوق يبغي نوتر إمام. Ça c'est pas من مقاصد هذه العبادة. Essentiel, l'imam il a une bonne lecture. Et si c'est un masjid à la sunna, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais ici, les masajid, comme tu sais, c'est masajid qui tabi à les, en général, des awam ila akhiri, alhamdulillah. Il y a des bida', fa on ne peut rien y faire, illa ad-du'a, et le khair hasil. Le khair hasil, walillahi alhamd. Amma. Hakada changer à chaque fois de masjid, ça c'est pas minas sunnah. Chacun il fait salat vers chez lui. C'est ça, madhab al-salaf. Il faisait un salat vers chez eux. Bien sûr, ceux qui sont vers le masjid al-haram et ils vont au masjid al-haram, ça c'est autre chose. Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé de voyager. Et al-fadl, il est acteur pour le masjid al-haram ou le masjid al-Nabi ou le masjid al-Aqsa. Amma, les autres masjid, c'est la même chose. Celui qui a un masjid à côté de chez lui, il fait as-salat fi hada al-masjid. Sauf bien sûr si c'est un masjid où il y a des bid'a et il trouve un masjid pas loin de sunnah, alhamdulillah. Et là, il fait as-salat vers chez lui. Kadhalik, si le masjid vers chez lui, il y a un qabr, il y a une tombe, fa bi hada al-hal, là, il ne fait pas as-salat dans ce masjid. Wa illa, dans les autres cas, et alhamdulillah, c'est le cas dans notre ville, les masajid, c'est tous la même chose. Celui qui a un masjid vers chez lui, il fait as-salat. Et l'essentiel, c'est l'ikhlas. On fait attention de ne pas être comme certains, ils regardent que la voix de l'imam. Hatta iyadan billah, l'an, et ça se propage beaucoup, ils enregistrent des frères ou des vidéos, et qari min al-qurra, des lecteurs, ils imitent. Iyadan billah, ils imitent les autres. Maintenant, واحد il arrive à imiter Fulan, واحد il arrive à imiter Sheikh Fulan, les lecteurs connus. As-salaf, ils n'étaient pas hakada. Ça, c'est at-ta'athur bimada bi al-fussaq. Sahih, amma notre din, on n'a pas besoin, t'as pas besoin d'imiter. L'essentiel, tu récites comme tu peux, t'essayes de ne pas faire d'erreur, t'apprends quand il est tajwid et tu espères la récompense. Amma imiter Fulan. Ba'd al-qurra, ils sont connus, ils font des erreurs. Pourquoi l'imiter? La tawakkal ala Allah, ils récitent comme tu peux. Et le ba'd, il regarde que la voix de l'imam. C'est pas la voix qui nous intéresse. Nous. Bien sûr qu'une belle voix avec une lecture avec le qawa'id al-tajwid, bien sûr que ça facilite à se concentrer ila akhri. Lakin, c'est pas que la voix. Tu trouves ba'd al-a'imma, ils lisent avec les règles correctement, et ils ont une moins belle voix qu'un autre. La voix, tu peux pas la changer, ta voix. L'essentiel, faire des erreurs, faire des efforts, ne pas faire les erreurs, dans la lecture. Et alhamdulillah, ici, les masajid, les imams, walillah, alhamd, ils maîtrisent la lecture. En général, tu trouveras pas d'erreurs, ou des erreurs qalila. Ils maîtrisent, walillah, alhamd. L'essentiel, c'est se concentrer. Qu'est-ce qu'il dit l'imam? Si tu comprends pas, avant tu lis, tu sais, matalan, chaque nuit, matalan, ils lisent un hizb, tu lis le hizb avant et tu recherches l'imam a dit si tu n'as pas compris, suivre les imams, ils disent que tel lecteur il récite bien, il fait des fautes, il se base sur sa voix, et un autre qui récite normalement, mais avec le qawaid, عندهم c'est pas ça. Là, c'est pas comme ça. هذا c'est un tambih مهم. Chacun il fait salat vers chez lui et on n'a pas besoin de se déplacer à chaque fois là.